Le roi restera 3 mois. Il va louer un appartement dans le coin. Toi et moi, nous sommes des témoins. La mouette est très chouette.